Voici, à 1h10, de larges extraits d'Eugénie Grandet, roman écrit par Honoré de Balzac et publié en 1834. Enregistrement, choix des textes résumés, Jean-Paul Alexis, juin 2022.